juger leurs délibérations. Visiter en transaction, ils remettent en cause l'éducation. Mais c'est pas nos parents qui nous font passer à l'action. Toi-même tu sais pour de l'argent, trop de gens perdent la raison. Ouais on trouve les caissons, on lâche les plombs. On veut tous finir premier comme dans un marathon. Y'en a marre, j'ose le ton pour les frères en prison. Et disons que je leur dédie une fois de plus ce son. C'est pour ceux qui ont des parcs dans le caleçon. Les amateurs de baston et ceux qui touchent pas au cachon. Je baisse des faux jetons, y'a pas photo, y'en a trop. Qui se croient dans une compétition avec leur histoire bidon. Je garde une main sur le guidon, je demande pardon à ma mère. En arme à bord de la bande, quand elle voit les keufs débarquer à la maison. Donc je ferme jamais vraiment les yeux, même pendant une fellation. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, je suis pas à l'abri d'une interpellation. En plus avec Sarko, y'a plus de prévention, y'a que de la répression. Donc je prends position et je fais attention aux flics qui jouent les cowboys pendant leur putain d'intervention. Mais j'en ai vu beaucoup se manger des soumissions. Voilà pourquoi ton frère sous écrou pour rébellion. 5900, on balance du son qu'on fait couler comme le sang. Et on fait crier le sang, je fais les choses simplement. Pareil quand je suis en train de rapper, je m'en bats les couilles tes compliments. Chez moi c'est pire qu'un tarpé, c'est Mel Gibou en solo. Je reste debout rigolo, le jour où je serai dans un trou, ce sera pour des kilos. La frange, je vais la striker, pour la délinquance j'ai opté. C'est normal quand j'y repense, moi je suis pas friqué. Le beat c'est avec aisance que je viens le cramer. Ça sent l'essence, je viens tout niquer. T'as pigé, mes frères veulent du blé. Alors comme Venta du matin au soir, ça fait de l'argent si fa. Je sais pas comment tu qualifies ça. Chez nous c'est un défi ça, mais faut pas se retrouver en déficit. Bah ouais on crée la défaite, on veut pas se retrouver en faillite. Normal on aime faire la fête, sur les temps profite tant qu'on pourra leur mettre. Et y'a que quand on voit les schmicks qu'on prend la poudre des scampettes. Ah ouais. C'est strike sur la France, 59 litres d'essence. Pour foutre le feu comme en 62, on veut notre indépendance. Si on est 6, c'est que l'union fait la force. Sur la flamme on pisse et la bombe on l'amorce. J'oublie